Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 25 septembre. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'une grosse nouvelle dans le monde du hockey régional. Marcel Maltais n'est plus à la tête de la Ligue de hockey JMS qui regroupe les ligues de hockey junior régional et également midget régional. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ce printemps, lors de l'Assemblée générale, Marcel Maltais a été battu à titre de président lors de l'Assemblée générale. Il a été battu par Pierre Gay. Au cours de la fin de semaine, deux autres personnes, semble-t-il, auraient démissionné pour un peu pour protester contre l'arrivée de ce nouveau président. Donc, selon mes sources que j'ai obtenues, semble-t-il que le trésorier Jean-Benoît Pelletier, qui est responsable du site Internet, et le trésorier Raymond Bouliane auraient démissionné, ce qui fait en sorte maintenant qu'il y aurait seulement que Pierre Gay qui serait à la tête de la Ligue de hockey JMS. Danny Larouche, qui agissait à titre de vice-président, lui, serait en réflexion. Au cours de la journée, on va tenter de parler avec les responsables, avec un des responsables, pour savoir un peu à quoi s'attendre maintenant de l'avenir de cette ligue. On sait que dans la ligue, il y a les équipes d'ici, il y a les Éperviers de Normandin, les Sabres de Robertval, les Castors de Delbault et le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au niveau midget, de même que les ambassadeurs de Chibougamau. Donc c'est un dossier quand même chaud. Et on devra en savoir davantage au cours de la journée. Les Saguenay-Chicoutimi ont perdu à deux reprises au cours de la première fin de semaine d'activité de la Ligue de hockey junior du Québec. D'abord, dans la première rencontre, les Saguenay se sont inclinés 3-1 contre les Remparts de Québec. Kevin Climat a compté le seul but. Et samedi, défaite des Saguenay 2-1 contre l'Océanic de Rimouski. Dans ce match, Samuel Hood a compté le seul but des Saguenay. Les Huskies de Rouyn-Noranda, tant qu'à eux, ont gagné à deux reprises. Ils ont gagné 4-2 contre les Voltigeurs de Drummondville. Ils ont gagné 4-1 contre le Phoenix de Sherbrooke. Les Marquis de Jonquière ont gagné 5-3 sur Trois-Rivières dans un match hors concours. À noter également que les élites de Jonquière ont défait le collège Albatros. Dans ce match, Mikissi Awashish et Charles Tremblay ont amassé une passe et ils ont perdu 2-1 également contre le collège Albatros. Au football, en division 3, gain des Gaillards de Jonquière 38 à 18, contre la Pocatière. Les Genoux d'Allemagne se sont déclinés 53-24 contre Rimouski. Et Drummondville a battu les Cougars de Chicoutimi 23-16. Au golf, c'était la Coupe Ryder en fin de semaine. Et l'équipe de Dolbeau-Missassini s'est inclinée 13-12 contre celle de Saint-Prime. Ça s'est soldé par un trou de prolongation. En patinage de vitesse sur courte piste, c'était la première compétition à Sherbrooke au cours du week-end. Léonie Bradette de Saint-Félicien a terminé au 5e rang. Maud Tremblay de Dolbeau-Missassini a terminé au 13e rang et Catherine Maillot de Saint-Félicien a également pris le 15e rang. Karina Montmélier de Saint-Félicien a enlevé la 17e place, tant que Marianne Gay et Mélignard Tremblay, ils ont terminé respectivement 32e et 33e. Et on revient au midget, il y avait une information que j'avais oublié de vous mentionner. Les Castors de Dolbeau se sont inclinés 4-2 contre Saint-Félicien et ils ont gagné également 4-1 contre le Marcos Pub de Saint-Félicien. Le sport local et régional, à dans radiosport.com.